Allez, c'est bon, on peut attaquer la semaine Team BS après la victoire des Bleus, quart de finale pour la France. Pff, le boulot est fait. Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Team BS. C'est Skyrock et c'est Planète Rap. Une nouvelle semaine débute avec la Team BS. Comment ça va, messieurs? Bah ça va, et vous? En pleine forme. Tout le monde va bien? Toujours. Ça va nickel. Bon, il manque la fille de la Team BS. Il manque Cindy, elle est bloquée dans le train là. Elle va arriver peut-être en fin d'émission. Bon, elle va nous rejoindre. En tout cas, on la retrouvera dans la semaine aussi. Une grosse semaine, histoire de faire un petit peu le bilan sur cette Team BS depuis la sortie de l'album. Parler aussi des projets de chacun. Il y aura une émission d'ailleurs consacrée à chacun durant la semaine. Exactement. Fababi, il y aura ta spéciale. Ouais. Sultan, il y aura ta spéciale. Ouais. Je crois qu'il y aura même celle de Sultan avant celle de Fababi, je suis désolé. Hein, mais... C'est pas grave, on garde le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin, ce sera avec la fouine, puisque vendredi. J'ai cru que c'était calmé, putain. C'est reparti en deux secondes, c'est reparti. Ça faisait longtemps, c'était pas vu en plus. Direct, crochet, ok. C'est bon, t'attends. Sultan, je crois en plus, il a convoqué tout Bagneux pour demain. Et voilà, j'ai demandé de la force parce que. Quelle convocation. Donc, convocation de Bagneux, ce sera demain entre 20 et 21. Et puis je disais, le meilleur pour la fin, ce sera avec la fouine, je suis désolé, mais. Vendredi, on parlera du film qui va sortir là, parce que ça aussi c'est la grosse actu. Exactement, il sort mercredi prochain, le 9 juillet, et je viendrai avec l'équipe du film. Je suis en train de voir qui sera présent. Il y aura sûrement Samy Seguir, Thomas Olivérez, Marc Lavoine, Valérie Carcentier. On est en train d'essayer de voir qui on va ramener. Mais on va parler de ce film qui sort justement mercredi. Il s'appelle À toute épreuve. Il sera dans tous les cinémas. Donc je vous conseille d'aller le voir. C'est vraiment une comédie hilarante. Et vous allez kiffer. Allez voir en famille, entre amis. J'allais dire nouvelle expérience presse. C'est vrai qu'il y avait eu Banlieue 13, mais c'était plutôt petit rôle. Là, c'est un gros rôle. Hein. Exactement. Là, c'est mon premier gros rôle au cinéma. Et je pense que vous allez bien vous marrer. Bon, on découvrira ça. Et puis on en parlera cette semaine entre 20 et 21. Quel bilan on peut faire là en ce début de semaine sur la Team BS? On voudrait déjà remercier tous les fans, tous ceux qui nous supportent. Grâce à vous, le Team BS est disque d'or. On espère continuer encore et puis vous livrer de nouveaux singles, de nouveaux morceaux, de nouveaux clips. En tout cas, merci de nous soutenir. On vous voit sur les routes depuis pas mal de temps, un peu partout. Et c'est un grand merci à tout le public et c'est vraiment un bilan très positif. Et bah tiens, Team BS justement en son, ça donne ça. Écoutez. Planet Rap. En direct, Skyrock. La Team BS, là, à l'instant, sur Skyrock. Salut tout le monde, tous les auditeurs, c'est la Team BS, Skyrock. De malade, il arrive, c'est un truc de malade. On se retrouve ce soir au Planet Rap. Il est vrai, j'ai trop d'adversaires. Sur le côté, quelques ennemis refoulés. Frère, ils nous atteignent pas, on est trop bon pour ça. Sur le côté, quelques ennemis refoulés. Skyrock. On se revoit à la case des points. Pas d'où. Et peu importe ta couleur de peau, maintenant la différence n'est pas un défaut. Quand les promesses et les sourires sonnent faux, je n'oublie pas d'où. Planet Rare. On exclut sur Skyrock. C'est un vrai groupe, il y a une âme dans ce groupe. Il y a des idées à défendre. Il y a un album de malade qui arrive. Je ne sais que chanter pour briller. Je sais que faire de vos langues vos billets. Je n'ai jamais menti pour briller. J'entends 22 carrosserie noire mat. Le concessionnaire m'a dit touche à rien. Cinéma, télé, tournée, concert sold out. Les grands du quartier m'ont dit touche à rien. Quelques chèques et plus de zéro pour mon comptable. Voilà mon banquier m'a dit touche à rien. Prod de baiser celle-là c'est pour tous mes télés. J'ai dit DJ score, ouais, touche à rien. Touche à rien, touche à rien. Touche à rien, touche à touche à rien. Touche à rien, touche à rien. Touche à rien, touche à touche à rien. Planet Rap. Voilà, la Team BS, le medley de cet album qui est toujours dans les bacs, évidemment. Avec La Fouine, avec Sultan, Fababi et Cindy, qu'on retrouvera dans la semaine, ou peut-être ce soir si elle arrive à l'heure, ou du moins un petit peu en retard, mais à cause des problèmes de train. Bon, tout le monde va bien sinon, à part ça? Ben, moi, écoute, ça va merveilleusement. En forme? En forme, tout va bien. Cool. Soleil, Paname. Vous êtes heureux? Ben, je crois que Sultan et Fababi, en plus, ils ont passé la nuit en studio, ils travaillent eux deux sur un projet respectif. Exactement. Ouais. On est en train de se tuer à la tâche, là, pour nos projets solo. Donc on verra. J'espère qu'ils vont arriver à temps et que le public sera au rendez-vous comme il a été pour l'album Team BS. Et ben, on en parlera cette semaine entre 20 et 21. Et là, on débute avec un son de la Team BS. Voici le morceau Fierté qui est extrait de l'album, l'album déjà disque d'or sur Skyrock. Non, ma différence n'est pas un défaut. Quand les promesses et les sourires sonnent faux, je n'oublie pas d'où je viens. Et peu importe ta couleur de peau, non, la différence n'est pas un défaut. Quand les promesses et les sourires sonnent faux, je n'oublie pas d'où je viens. Les ignorants veulent ma chute comme Django, je reste en scène. L'endettement dans le film, ma couleur reste en scène. Si je me retourne pas, c'est que le passé m'enchaîne. Ferme mes racines, faut pas que leur haine m'entraîne. Maman faisait le ménage et son fils voulait pas se ranger. À neuf autour d'un plat, on t'invite à manger. Les uns sur les autres, les super pros. J'ai vu des frères en BEP rêver de faire Sciences Po. Et peu importe ta couleur de peau, non, ma différence n'est pas un défaut. Quand les promesses et les sourires sonnent faux, je n'oublie pas d'où je viens. Et peu importe ta couleur de peau, non, la différence n'est pas un défaut. Quand les promesses et les sourires sonnent faux, je n'oublie pas d'où je viens. Turbulence traverse des calvaires. Moi je veux me tenir droit, on me regarde de travers. Souvent plus bas que terre, on espère un salaire. J'ai trouvé de la force, même dans de grosses galères. Révolte et manif, ça veut plus dire grand chose. Comme ton bas veut, moi je vais détendre cause. Accusé comme John Café, mais je leur pardonne. Me noter pour X raison, dis-tu à Malcolm. Et peu importe ta couleur de peau, non, ma différence n'est pas un défaut. Quand les promesses et les sourires sonnent faux, je n'oublie pas d'où je viens. Et peu importe ta couleur de peau, la différence n'est pas un défaut. Quand les promesses et les sourires sonnent faux, je n'oublie pas d'où je viens. La misère, maman flirtait avec un balai. J'ai sur le cœur couvert, trop fier pour tout déballer. J'suis venu marquer mon temps, j'partirai comme Bob Marley. C'est le silence et d'or, 50 000 pour leur parler. Team BS avec l'équipe, on s'entraide. J'ai trouvé ma route et j'avance sans peine. Sèche tes larmes, allez viens, je t'emmène. Toutes les couleurs, c'est ma team sur scène. Et peu importe ta couleur de peau, non, ma différence n'est pas un défaut. Quand les promesses et les sourires sonnent faux, j'n'oublie pas d'où je viens. Et peu importe ta couleur de peau, la différence n'est pas un défaut. Quand les promesses et les sourires sonnent faux, je n'oublie pas d'où je viens. Et peu importe ta couleur de peau, non, ma différence n'est pas un défaut. Quand les promesses et les sourires sonnent faux, je n'oublie pas d'où je viens. Et peu importe ta couleur de peau, non, ma différence n'est pas un défaut. Quand les promesses et les sourires sonnent faux, je n'oublie pas d'où je viens. La Team BS avec ce morceau qui s'appelle Fierté à l'instant sur Skyrock. C'est un gros clip de ce morceau. Avec un très gros clip et une entrée. Regardez, on a été mauvaise langue. On a dit qu'elle serait pas là à l'heure et tout. Bah si, finalement, elle arrive. Petit problème de train, mais arrivée. Voilà. Ouais. Au début de l'émission, ça va bien? Bonjour tout le monde. Je suis désolé, hein, je fais la bise à Cindy. Ça prend un petit peu de temps. Hop. Voilà, tiens, va t'installer. Cindy qu'on écoutait aussi sur le morceau Fierté. Comment ça va? Très bien, merci. En pleine forme. Désolée, hein, c'est... Non, c'est bon, on vient juste de commencer tranquille. Les joies de la SNCF. C'est ça. Je vous connais. Ça va, t'es content de retrouver tout le monde? Ah, c'est oui. Envoyez tous vos messages au 41Sky 41759 et soutenez la Team BS. On est en direct sur Skyrock, c'est notre planète rap. Et même le hashtag Team BS sur Skyrock, ça arrive direct dans le studio. Vous balancez tous vos messages. Ça y est, l'équipe est au complet. La Team BS est au complet. Ouais. Peut-être aussi le moment de rappeler un petit peu l'histoire de cette Team BS. Parce que c'est vrai qu'il y avait une histoire en commun. Vous avez tourné avec Banlieue Sale. Il y a eu Poursultant Fababy. Et puis Cindy qui arrivait aussi en cours de route. C'est ça. Bah, c'est une belle aventure, surtout que là, ces derniers temps, on tourne beaucoup, on a pas mal de festivals partout en France. Donc, on a pu commencer à roder le show et puis à parler concert et puis à se retrouver sur scène. Et puis, c'est génial. C'est encore mieux qu'en studio. On est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. Il va y avoir des grosses séries de concerts pour la Team BS à la rentrée, peut-être? Bah, justement, là, on n'a pas pu caler tout ça à cause de la Coupe du Monde. Parce que bon, en mode Coupe du Monde, tout le monde est consacré sur la Coupe du Monde. Le Ramadan. Puis personne ne fait une tournée en Coupe du Monde et Ramadan. Donc à la rentrée, il y aura des news, et à la rentrée, il y aura aussi des news, surtout aussi de nos projets solo, parce que on avait mis la Team BS, on avait mis entre parenthèses un peu nos carrières solo. Et puis là, t'as Cindy qui est en studio, Fababi, Sultan, et puis moi-même. Donc on pourra parler un peu de tout ça cette semaine, et puis de l'évolution du groupe. Cindy qui est perfectionniste, qui est ennuyée avec le casque. Je vois que t'es perturbé avec le casque. Regarde. Ah ouais, c'est le bordel. Bon, tout va bien. Vas-y, on va le faire tranquille. On va mettre un morceau dans un instant. On continue dans la ligne, puisqu'on est, comme tu n'étais pas là, on s'est dit bon, faire un peu plus le côté rap et tout, et on voulait mettre le morceau je rappe. Mais vu qu'elle est là, on peut se mettre Ma Vérité. Ma Vérité. Vérité, c'est bien. Ouais, c'est bien l'idée. Et bon, on va balancer Ma Vérité, c'est extrait de l'album Team BS. Ça va, toi, t'es content des résultats, Cindy, puisqu'on en parlait il y a quelques minutes, disque d'or. Franchement, je suis super contente. On l'a attendu et vraiment, c'est que du bonheur. Tu vis une belle aventure. Oui, extrêmement. J'aurais pas pensé un jour pouvoir afficher un disque d'or dans mon salon. Non, je suis vraiment contente. Et ben voilà, c'est fait avec Team BS. L'album est toujours dans les bacs. On peut toujours le commander aussi digitalement et légalement. Sur iTunes, évidemment. Allez-y, allez cliquer. Et on écoute donc maintenant un extrait de cet album. C'est Ma Vérité. Allez, on balance. Team PS. Yeah. J'ai vu des frères se faire fumer sans raison valable. L'hiver a gelé toutes les branches du printemps arabe. Ici bas confond pas l'enfer et l'hammam. Certaines meufs c'est le chétan, normal que tu leur déclares ta flamme. Je suis aveugle à Hermès, je regarde plus les prix. Mes voitures sont sales, mon garage est une porcherie. Je suis souvent triste même si tout me sourit. Et quand le ciel est gris, déprime et pris mes frères, je cours après les fous rires. On leur crache dessus pour ça que les keufs font des bavures. Tu crois que ta clique rappe mieux que nous? Pas sûr, c'est bien ma fille kiffe devant Disney Channel. Le temps passe vite, demain elle voudra un gros sac Chanel. Ici les anges dépriment, quand tu seras dans la merde, y'aura pas de Joséphine. J'ai rien faire d'autre à part chanter ma vie. Une spéciale aux absents, chante Cindy. Je ne sais que chanter ce que j'ai là, ce que j'ai dans le cœur tout au fond de moi. Et ma vérité, je crie tous les soirs. C'est ma vie, mon combat, j'écris mon histoire. Je n'ai jamais menti pour briller. Je n'ai jamais menti pour prier. Je n'ai que faire de vos lingots, vos pieds. Y'a ceux qu'on vu qu'on tout fait, quartier chômé, je suis tout frais. Quand viendra mon heure de gloire, viendra ton heure de coucher. Les balances ont pas tendance comme une bouteille de Rica. Des frérots bigraves si tôt qu'ils en finissent au mitard. Pour habitude de faire du sale, j'en ai laissé mes traces. Beaucoup ne feront pas un rond, espèrent des carétas. Pour éviter d'être en danger, faut des preuves d'attention. Je portais plainte contre TF, tellement que je vis sous tension. À part ça, ça va bien, l'argent ça va, ça vient. C'est sûr qu'on le vit mal, les usines, on saisit nos biens. Je connais peu de gens honnêtes, y'a ceux qui glissent et ceux qui patinent. Au comico y'a de quoi faire, des tonnes de gélatine. Je sais que chanter ce que j'ai là, ce que j'ai dans le cœur tout au fond de moi. Et ma vérité je crie tous les soirs. C'est ma vie, mon combat, j'écris mon histoire. Je n'ai jamais menti pour briller. Je n'ai que faire de vos lingots, vos billets. Je n'ai jamais menti pour briller. Je n'ai que faire de vos lingots, vos billets. Un capitaine sans navire ou une nuit sans étoile. Ils veulent pas de ma religion alors mes larmes se dévoilent. D'un 9-3 y'a pas que les chemises qui se font repasser. Les grosses 6 fans de moi ils veulent pas cesser de m'appeler. Bagarder sans cutter, il va sauter notre sursis. Parano sur Twitter, j'ai l'impression d'être suivi. Faut que je le dise encore qu'on est les boss de Paname. Le soleil sèche mes larmes, Renoir nettoie ta lame. Plus rien de fleuri quand l'état de freine à Nanterre. J'irai pas au paradis, diable dit que j'ai plus à m'en faire. Ça vient du 9-3, tous mes gars connaissent ça. Faire le régime est un luxe que les pauvres connaissent pas. Je ne sais que chanter ce que j'ai là. Ce que j'ai dans le cœur tout au fond de moi. Et ma vérité je crie tous les soirs. C'est ma vie, mon combat, j'écris mon histoire. Je n'ai jamais menti pour briller. Je n'ai que faire de vos lingots, vos billets. Je n'ai jamais menti pour briller. Je n'ai que faire de vos lingots, vos billets. la Team BS au complet toute la semaine entre 20h et 21h. Team BS avec un jour pour chacun. Demain soir, on aura Sultan avec son équipe, son équipe de Bagneux qui va débarquer. Ce sera entre 20h et 21h à pas louper. On attend ça demain. Mercredi soir, on sera aussi avec Fababi. Non, moi c'est jeudi. Ah, toi c'est jeudi, non, c'est ouais, c'est vrai, toi c'est jeudi. Ouais. Jeudi soir. Mercredi c'est Mercredi, pardon, c'est Cindy qui sera là. Toi t'as une équipe qui vient de Bagneux aussi ou quoi? Ouais. Elle a une équipe de Couchetard. De Royan. L'équipe de Royan, ouais, exact. Bah c'est vrai, on peut le saluer tout le monde. C'est bientôt les vacances. Salut, très très fort. Ça va être blindé Royan. Elle va venir avec papy, mamie, toute l'équipe de Royan. Mon chien. D'ailleurs, vous pouvez nous retrouver le 6 juillet au parc de Saint-Paul. Il y aura un concert Team BS, donc voilà. Au parc de Saint-Paul, mais c'est pas Royan ça. Ouais, non, c'est pas du tout. Ouais, exactement. Je me disais fort en géographie, on dirait. Non, c'est que c'était marqué dans le mail. Ah ok. Bon, c'est bien, je vois que ça est toujours, ça chante toujours un petit peu dans l'équipe, dans la Team BS. Ça change pas. Hein. Ouais, un petit peu, on sait toujours, il y a toujours quelques perturbateurs, agitateurs. Je trouve Fababi très discret. Mais c'est vrai qu'il a, il a entamé depuis quelques mois une espèce de mue, un truc un peu, tu vois, un truc très calme. Ouais. J'ai connu plus agité. Je le reconnais pas moi-même. C'est ouais, bizarre. Je suis très étonné en fait. J'ai mûri. En fait, moi, quand je le vois calme comme ça, j'ai l'impression qu'il me prépare un mauvais coup. Mais il est en train de reluquer sur ta canette, surtout. Il est en train de reluquer sur ta canette. Je sais pas, on m'avait promis quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tranquille. Bois pas ça, c'est là. Non, je rigole. Philo, on va écouter un morceau. C'est quel morceau que tu veux qu'on balance dans un instant? Alors, moi, je voulais vous faire écouter un morceau qui est extrait du projet de DJ Scorp. Qui s'appelle Touche à rien et sur lequel j'ai de très bons retours. Bon, DJ Scorp, il fait partie de la famille, hein, de exactement, l'équipe. Exactement, il fait partie de l'équipe. Il sort bientôt un projet qui s'appelle Red Devil, sur lequel d'ailleurs on a tous posé. Et d'ailleurs, Cindy a posé un gros morceau qui s'appelle Ghetto Progress Anarchy. Ghetto Progress Anarchy. Voilà, c'est GPA quoi. Featuring avec Alage Verbal et puis donc gros truc de bande. D'autres mecs calibrés. En fait, on a tous. Et d'autres mecs calibrés. Et donc voilà, c'est un gros morceau. C'est moi et Sultan et Canardo. Le morceau s'appelle Touche à rien. Et il est déjà en vente sur iTunes. Allez le pécho. Et puis dédicace à Scorp qui est avec nous ce soir. Bon, on va le balancer dans un instant. Ce sera après la pub sur Skyrock. On mettra d'autres extraits de la Team BS aussi. C'est clair. Des concerts, ça on l'a dit, ce sera à la rentrée. Et puis là, vous tournez aussi. Alors en l'occurrence, donc du côté du Parc Saint-Paul, ce sera. Exactement, le 6 juillet. Le 6 juillet. Dédicace à Moussa Sunshine. 6 juillet, je vous avais vu aussi à la fête de la musique, là, à Montpellier. Oui. Ah ouais. C'est ça, on était à la fête de la musique. C'était un bon moment. Ouais, très bon moment. Très, très bon moment. On était à la fête de la musique sur, à Montpellier. On était aussi à celle avec W9, M6 aussi. Mmh. On était dans le F2, vers chez Sultan. Ouais, il y a pas mal de petits plateaux intéressants qui s'offrent à nous. C'est cool parce qu'il n'y a pas énormément de rappeurs sur ces plateaux, donc ça fait plaisir d'aller représenter. Bon, et puis Team BS, c'est l'album qui est toujours dans les bacs, album disque d'or. On mettra encore des extraits tout à l'heure ce soir. Pas de live, on va se garder pour dans la semaine. Exact. Bah, déjà, Sultan, à mon avis, avec son équipe de Couchetard. En fait, ta cité s'appelle Couchetard. Kuftar. Comme les Kuftar, tu vois. Kuftar, Pepper. Kuftar. Et bah, bougez, passez dans un instant le temps de passer un petit son, la pub, et on revient juste après. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. Premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap Team BS. Comme toi, la fouine est Team BS. On choisit Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est Planète Rap avec la Team BS, avec Cindy, Sultan, Fababi, La Fouine. Ils sont là toute la semaine entre 20h et 21h sur Skyrock. Et donc maintenant un morceau du projet de DJ Scorp. Touche à rien. Qui est là avec nous. Extrait de l'album Red Devils. Voilà, et puis le morceau on peut déjà le trouver en téléchargement. Ouais, il y a le clip aussi. Et d'ailleurs par rapport au clip, je tenais à dire un truc parce qu'il y a une scène où on me voit avec une fille sur moi. Je tenais à dire à tout le monde qu'en fait, avant de tourner cette scène, je suis allé voir Scorp et je lui ai dit regarde, je vais faire une scène qui va faire parler tout le monde. Et ça a fonctionné, donc voilà. Merci, continue à parler de cette scène, voilà. Fababi, tu veux réagir ou pas? Très utile cette intervention. Je trouve ça inutile. Cindy pareil aussi, non, voilà. rien à ajouter. Voilà. D'accord. Bon, bah écoute, merci ouais pour ça. Non, c'était juste pour rectifier. C'est quoi les retours que t'as eu, ces gens? Parce qu'en fait, les gens, bref, on s'en fout. C'est lourd, touche à rien. Les disques d'or, tu parles de ça. Allez, on balance le morceau maintenant, touche à rien, sur le projet de DJ Scorp.

avec une bonne partie de l'équipe de la Team BS dessus. Et ça, on peut le trouver ce son, hein, déjà, c'est ça? Ouais, d'ailleurs Cindy elle a fait un de ses bêtes de couplets sur ce morceau. Je tenais à te remercier. Non, mais on a dû le couper là parce que c'est un peu trop hardcore. Ouais, assez. Trop hardcore. Donc on a dit on va pas le passer. Ils avaient mis à la menthe, on voulait pas. Non, mais ils avaient honte, hein. Je t'ai dit que le studio après c'était compliqué. Hein. Ouais, ils m'invitaient plus. Genre de pince à l'instant, quoi. Donc boycotter. Mais même pas plus sympa que les autres, non? Non, je crois que ok, non. J'ai compris. Mon mari est le plus sympa, je crois. Bon, touche à rien. Le projet, il arrive quand, Scorp? Bientôt? Ah. Je pense au mois d'octobre. Octobre? Ouais. Je suis en train de finir là, j'ai à peu près. C'est quoi, que des titres inédits? Que des titres inédits que je produis. Et j'invite la rappeur que j'aime, voilà, que j'apprécie. C'est on va avoir déjà quelques noms, hormis l'équipe. Fababy qui a fait un gros solo. Mmh. Ouais, j'avoue que le morceau Fababy est vraiment lourd sur le projet Scorp. Vraiment. Même la prod, elle est incroyable. Fababy, en fait, il dit plus rien, mais maintenant il garde toutes ses forces pour lorsqu'il est en studio, en fait. T'inquiète, jeudi va se passer quelque chose. C'est vrai? Là, donc il va rien se passer mercredi, ouais, en fait, c'est ça. Et mardi et tout. Mardi, il y a Sultan, mais tu seras pas invité. Non, mardi, il va rien se passer, Sultan. Non, mardi sera bien. Mais jeudi aussi sera bien. Mardi sera mieux. Oui, jeudi sera bien. Je m'en fous. Ça y est, tu m'as réactivé là. Ils sont ouf. Et mercredi, alors Cindy, ce sera juste énormissime, quoi. Je pense. Ouais. C'est au-dessus de vos espérances. Tu nous prépares un live pour mercredi? Pourquoi pas? Cool. La classe. Et toi, vendredi? Et moi, vendredi, je serai avec l'équipe du film. On va bien vous faire rigoler. D'accord, à toute épreuve. Ce sera bien marrant, un truc. Et là, moi aussi, je suis en studio actuellement. Je suis en train de travailler sur un projet que je mets du temps à sortir. Capital du Crime 4. Ah bah oui, on l'attend depuis un moment, celui-ci. Ouais. Bah oui, comme j'avais eu Team BS, donc je l'avais mis en stand-by. Ensuite, là, la sortie du film, donc je l'ai mis en stand-by. Mais il est presque fini, en fait. Tu vois, c'est juste qu'il faut que je trouve le bon moment pour le sortir. Donc bientôt, restez connectés sur Internet, sur Twitter, Facebook, tout. Je vous donnerai des news sur l'extrait de Capital du Crime 4 et la sortie de Capital du Crime 4. Mais en tout cas, c'est vraiment lourd. Et ben on suivra ça. Il y a plein de grosses surprises sur le projet, sachez-le. Très bien, on suivra ça là dans les mois, dans les semaines à venir. Il est grand temps de passer au freestyle par téléphone maintenant avec Kéfir par téléphone. Salut Kéfir. Yo, Federico. Ça va? En pleine forme, Kéfir? Ouais, ça va, nickel. Bon, t'as suivi la victoire des Bleus? Ah ouais, j'ai fêté ça dignement. Dignement? Ouais. Ça veut dire que t'es très bien pour le freestyle, Kéfir. Ah, je suis prêt, j'ai la voix bien chaude. Eh ben c'est parti. Victoire 2-0 pour ceux qui débarquent, hein, ceux qui ont loupé peut-être le match. C'est vrai, il en existe peut-être. Et là, c'est Kéfir. Depuis l'âge d'ingrat et à ces poids qu'il n'y a pas inscrit hip-hop dans mon agenda, je me souviens des potas, Corio, Bombay, Guerta, exprime sur les murs l'artiste, sommeil en bois, artiste, graffiti, hip-hop, solidarity, peace, unity, love et notre philosophie, esprit conscient exigé que notre art soit plus négligé pour que les watts restent figés, conflits, enfin tout émerger, les vraies valeurs d'un MC, rester dîner concis, un flow construit, pas de mensonge, sans hérésie, Mike, 1-2-1 de Mike, ouais, je faisais l'un d'eux entre pas de café, boom, bam, grandissait le petit maire de yo, c'est pas très en place, c'est wax, la bras, les barbes, quand on prend le microphone, on fait trembler tes barbions. One love pour le hip-hop, notre art est tellement fort qu'il défonce plus de 1000 ports. One love pour le hip-hop, notre art est tellement fort. Yo, yo, je suis le craquant de vinyle qui parasite ton lecteur. Où ça fait frappable qui vient rajeunir ton ghetto blaster. Une boîte plus dans ton Walkman, direct au kilogramme. J'injecte un gramme de grammaire pour que tu puisses capter la flamme. La passion coule dans mes artères et évolue dans tes enceintes. Car le FYR, le hip-hop est mon empreinte. J'ai plus d'une rime dans mon cahier intime. Le type est unanime, représente le second souffle qui s'évapore de ta platine. Je suis le graffeur anonyme, car forcé rue ta fille. Capuche, basket, casquette, à la recherche d'adrénaline. Il faut savoir prendre des risques pour poser ton bloc later. Sortir de ton cours, tous tes mensonges, tous tes haters. Artiste, graffiti, hip-hop, solidarity, Kéfir, one mic, K-E-F-Y-R, yeah. Eh, hey, ça t'a fait du bien la victoire, Kéfir, hein. Yes, ça fait vraiment du bien, ouais. Ouais, j'ai entendu ça. Bon, bah terrible, Kéfir, petit dédicace. Est-ce que t'as des projets là qui sortent à la rentrée? T'es dessus, des vidéos qu'on peut mater? Yes, yes, à la rentrée, il y a un projet avec mon collectif, c'est le One Mic. Justement, je prends Nice Iken parce que Nas, c'est un des mecs qui m'a fait aimer le hip-hop. Donc voilà, One Mic, j'ai choisi le nom de collectif exprès pour représenter bien le hip-hop. Voilà, c'est One Mic. Et moi, c'est Kéfir, K-E-F-Y-R. Pour ceux qui veulent me retrouver sur YouTube et sur Facebook, il y a une page artiste, c'est K-E-F-Y-R. Eh ben, terrible, Kéfir. On se dit à bientôt. Voilà. Longue vie à la Team BS. À bientôt, Federico. Ciao, Kéfir. Ciao.

C'est vrai. Donc, ouais, je pense qu'on va vous retrouver tous en studio après nos albums solo, parce que là, faut dire que Sultan, Fababi, Sinji et puis moi-même, on est en studio pour travailler sur nos projets solo. Et après ces projets solo, moi, je me retrouverai bien avec eux pour refaire un disque, parce que c'était vraiment marrant. Mmh. Et ben, ce sera à suivre. C'était une belle aventure, parce qu'on n'est pas tout seul. On partage des moments aussi bien musicaux que qu'amicaux. Et puis ça marche. C'est ça. Donc ça tombe bien. Sur les disques d'or, quoi. On va écouter d'ailleurs un autre extrait de la Team BS maintenant, extrait de l'album qui est disque d'or. C'est ce que je disais à l'instant. Qui le choisit? On va laisser Fababi. Alors, quel morceau? On va mettre Griot. Griot. Que je dédicace à mes Algériens qui vont jouer tout à l'heure contre l'Allemagne. Ouais, ce sera à suivre chez Difool là tout à l'heure. Allez l'Algérie. Allez l'Algérie, on est ensemble. Petit pronostic pour l'Algérie? Moi, je suis pour que l'Algérie gagne. Afrique, Afrique unie. On dirait que t'as le choix de dire ça. Si tu dis pas ça, t'es mort. Tu vas pas Tranquille, moi j'aime bien quand tu vas pas supporter l'Allemagne. Non. Moi j'aime bien quand une équipe africaine gagne et qu'elle avance. C'est bien, ça fait plaisir. C'est, vas-y, Afrique unie et voilà. Et j'aime bien quand ils foutent le sbel dehors aussi. Eh ben, on suivra ça ce soir. On se cache des foules à partir de 22h. Aïe, dédicace à mes gars, Barbès. Et le morceau s'appelle. Le morceau s'appelle Griot tout de suite. Griot. Aïe. Non, vraiment, la batterie elle est lourde. Ça me ramène chez moi. Vous sentez pas là? Ça, c'est qu'un prix, ça. Le tempo, tout ça, c'est chambé, lourd. C'est le moment de dire ce qu'on a sur le cœur. Parler à tous ces jeunes africains qui nous soutiennent. C'est quoi là? J'ai une bonne idée. Coupe les tam-tam. Fais rentrer la guitare. Voilà, c'est exactement ça. Winnie, toi qui es déjà allé en Afrique, t'as pas un petit couplet là? Ouais, je dois avoir un petit truc en stock. Écoute. Assalamu alaikum, alaikum salam. Quelques mots, quelques pensées, un petit big up de Paname. Africain comme Cheb Hasni, comme Fally Poupa. Si être étranger est un crime, alors j'ai plaidé coupable. Je suis né ici, j'ai pas grandi là-bas. Pauvre, une couronne sur le cœur, faut qu'on m'enterre à Rabat. J'ai fait du chemin en m'écoute de Kinabraza. Et si mes projets tombent à l'eau, j'ai le flow à Mami Wata. Marocaine et malienne, ma fille est Renaud Harvey. J'aime les mélanges, j'ai mis du couscous dans son mafé. Fuck les chefs d'état corrompus, vous réalisez que l'argent du peuple finit dans les boutiques des Champs-Élysées. J'suis cramé comme une brochette de soya. Et ouais, Roya, s'il y en a pour moi, y en a pour toi. Y'a Colia. J'ai fait le tour de l'Afrique, même pour des petites sommes. J'voulais rentrer dans vos cœurs, pas dans vos iPhones. Griot, les petits veulent courir, ont-ils appris à marcher? J'ai bronzé, j'ai pas besoin de bronzer. J'ai le cœur qui part en débris vu les dégâts causés. Pour endormir les plus petits à l'histoire de Mufasa. Pour que l'histoire ne s'efface pas les tueries du Rwanda. Ils attendent de nous qu'on danse, qu'on connaisse tous la Corée. Mais je resterai sur place comme enseigné à Corée. De ces nous vient le soleil et un peu tout ce qui brille. Pour mes harbis du Maghreb, de l'Égypte et de la Libye. Ça fait du mal à voir le berceau de l'humanité. Devient le tombeau de la cruauté. Certains de mes frères des Comores meurent sur la route de Mayotte. Et tu sais que de nos biens, certains se payent de grouillottes. La misère pousse à faire toutes sortes de travaux tracés. Paix aux musulmans et chrétiens de Centrafrique. Moi je sais d'où je viens, c'est un luxe d'être en griot. Vu que mon peuple est dans le silence, je ferai de moi un griot. Griot, les petits veulent courir, ont-ils appris à marcher? Ont-ils appris à marcher? Ont-ils appris à, ont-ils appris à marcher? Ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à marcher? Ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à marcher? Ont-ils appris à, ont-ils appris à? L'Afrique a la forme d'un gun, mais n'est pas venue armée. Ce qui sépare le riche du pauvre, la Méditerranée. Chérie, je reviens de loin, je rappe pas pour la monnaie. Comme au tout et tout, si on cherche encore l'harmonie. Les braconniers arrivent et les colombes se sauvent. L'espoir, un sentiment inventé par un pauvre. Un tam-tam, une chanson, le village autour du griot. Moi, je suis resté authentique comme un pote d'Ampolo. Assis au fond du bus, Rosa me laisse sa place. Mon histoire écrite dans le sable que les vagues effacent. Pêche pas ma garde car la vie est barbare. J'ai des montagnes de soucis et soufflé comme un berbère. Même dans ma tour d'ivoire, j'aurai toujours la cote. Tournera en boucle dans vos cœurs si les radios me boycottent. Le morceau qui s'appelle Griot, très bon choix Fababi quand même. Très bon morceau de cet album. Grosse dédicace à mes Africains. De partout, partout. Guinée-Conakry, partout. Ouais, c'est un bon Cameroun, après, cette chanson. Côte d'Ivoire, Mali. On félicite aussi tous les Africains qui ont participé à la Coupe du Monde. Ils ont vraiment bien joué, ils sont vraiment démerdés. Je pense aussi au Ghana. Non, on n'est pas content, Franchement, c'est déjà pas mal. Non, c'est pas mal, mais la prochaine fois, les équipes africaines, faudrait qu'ils mettent leur. La Côte d'Ivoire, ils ont bien joué. Leur ego de côté. Non, il y a des problèmes internes. Il y a des problèmes internes. Il faudrait qu'ils. Comment es-tu au courant de ces problèmes internes? Non, mais je parle de toutes les équipes africaines quand on vient au Maroc. Nous, le Maroc, on n'est même pas à la Coupe du Monde, on n'a pas cette chance. On aimerait bien déjà être là. Inch'Allah, la prochaine fois. Ouais, Inch'Allah, dans 4 ans. Dans 4 ans, la prochaine fois. Bah oui. Bon, en tout cas, sur Skyrock, avant de se quitter, on va faire tourner la roulette maintenant. Et puis revenir aussi tous les soirs de la semaine entre 20 et 21 avec la team BS. Allez, c'est la roulette qui tourne tout de suite. Skyrock offre le DVD Pompéi et plus d'une GoPro par jour. Et la roulette qui va tourner tout de suite avec. Allô ? Allô, oui ? Oui, allô. Comment ça va, Charlie ? Oui, ça va, super. Merci. Charlie, j'avais perdu ta fiche de Cholet, ça va bien ? Ouais, super, à toi. En pleine forme, prêt à faire tourner la roulette, on y va? Ouais, nickel. Allez, dès que tu veux, Charlie, tu dis stop. Charlie qui est toujours en mode supporter. T'as suivi les bleus tout à l'heure? Évidemment. Évidemment aussi, tu repars avec le film Skyrock qui vient de sortir en DVD. Pompéi, c'est pour toi, on te l'envoie du côté de Cholet, mon pote. Merci beaucoup. Et bah, de rien, petite dédicace, petit message à passer. Oh, la famille, les amis. Ah bah voilà, c'est déjà pas mal. À bientôt, Charlie. Merci beaucoup, salut. Merci à vous, la team BS, pour cette première soirée. Merci à toi. Merci à Cindy. Pas de problème. De rien. Tu vas revenir mercredi. Je reviens mercredi, le jour de mon anniversaire. Pour ta spéciale, ce sera ton anniversaire. Te combler d'amour et de cadeaux avec les auditeurs qui ont envoyé des messages comme ce soir. Fababi, toi, c'est jeudi. Ouais. D'accord. Quelque chose à ajouter sur jeudi, non? Ça va être lourd. D'accord, merci. Et demain, Sultan, 20-21, une spéciale. Ouais, une spéciale Nyups. Dédicace à tous mes gars qui vont terre la baie, Bagneux. C'est sympa. Merci. Merci à Sultan. La Fouine, toi, tu repasses vendredi ou donc, tu vas repasser aussi un peu tous les soirs ou... Non, on va se voir vendredi parce vendredi. Que j'ai énormément de promos là pour la promo. Ah bah ouais, film, parce le que film qui arrive sort mercredi prochain. Le 9 juillet. Le 9 juillet. Et je reviens vendredi avec toute l'équipe du film. On parlera de ce film de fou justement qui s'appelle À toute épreuve qui arrive dans toutes les salles. Donc soyez au rendez-vous, envoyez tous vos messages pour toute la fin de la semaine. La team B, la team BS sur Skyrock. Et puis envoyez vos messages au 41 Sky, 41759. Et merci de nous soutenir. On est vraiment content de passer cette semaine avec vous, avec Fred, Planète Rap, Skyrock. Est-ce que t'as envie de leur dire aussi un truc aux trois qui sont en face de toi là, que ce soit Cindy, Sultan, Fababi? Ouais, mais ils ont des violons. T'as pas des violons, truc comme ça. Comme ça, je leur déclare ma flamme. Imaginons qu'il y ait à ce coup des violons. Non, bah merci beaucoup. En tout cas, merci les gars, merci Cindy. C'est vraiment des bons moments qu'on passe ensemble. J'espère qu'il y en aura encore plein. Et puis on se voit très vite. Et puis rendez-vous. C'est quoi? C'est le dans le 60. Le 6 juillet au parc de Saint-Paul. Voilà. Le 6 juillet au parc de Saint-Paul. Concert de la CBS. On va mettre le feu. Ça va être trop bien. Il y a plein d'activités et tout, ça va vraiment être... Et bah en quart donc le 6 juillet, merci à vous tous, demain 20-21 à pas louper la team BS avec Sultan et son équipe. You know. Et Cindy, ce sera mercredi, jeudi soir, Fababi, passez une bonne soirée, on va retrouver D-Fool maintenant, c'est parti pour la radio libre. Allez les bleus. Allez les bleus. On n'entend rien que la vouvuzela. Non, mais il faut la casser, la vouvuzela. C'est des mauvais souvenirs, la vouvuzela. C'est la vouvuzela de Romano. Ouais, mais pour l'instant, ça va, ça nous porte chance, nous, oui. Ici. Oui. Comment ça va, Fredo? Bah, en pleine forme. On est les champions. Attends, ça s'enflamme un peu, là. Ouais, allons-y, allons-y quand même calme avec c'est clair. Toute l'humilité qui nous caractérise. Bien sûr. Eh oui. Ah, vivement la finale, hein. Bon, alors vous avez traversé Paris. Oui, on a des, j'ai de très belles photos sur les Champs-Élysées, c'était sympa. Ouais, nous aussi, on a foutu le bordel avec Karim. Je sais pas si c'est le bordel chez vous aussi, en tout cas, c'était sympa. On a tout niqué sur les. Ça fait plaisir. On a tout niqué. Il y avait autant de CRS que de supporters. Ouais, c'est vrai. Sympa comme tout. Et les CRS ont fêté la victoire de l'équipe de France, puisqu'ils ont peint leur camion en bleu, blanc, rouge. Ah, magnifique. C'était écrit police, mais en bleu, blanc, rouge. Ouais, ouais. Vive les CRS. Oui. Ça, c'est beau, ça. Non, c'est pas. Oh putain, il faut le laisser de souffler dans une vouvuzela, il y a rien qui sort. Bah souffle. Non, je te jure, le mec n'arrive pas à souffler. Ah mais tu souffles dans la dans la même vouvuzela que Romano. Ouais. Ouais, ouais, ouais, la régie. Allez les bleus, on est tous ensemble. C'est horrible. Ah, et ce soir, Algérie, Allemagne. Ah, allez. One, two, three, vive l'Algérie. One, two, three, ah, Momo. Ouais, Momo. Il te parle, Fred. Il t'a dit Momo. Non, ouais, j'ai dit non, je vais savoir. Tu fais oui, Momo. Vas-y, dis. Je vais savoir, c'est un petit pronostic, Momo. Ton pronostic, Momo. Moi, je dis 1-0, ça va être difficile. Ah, mais tu sais quoi, Fred? Tu sais que l'Algérie, ils ont jamais perdu contre l'Allemagne. Ouais, deux matchs, deux victoires. Eh ben, tu sais qu'ils vont perdre ce soir, Momo. Note-le dans tes assistants. Enculé de Samy. Ah non, les gars, moi, je suis neutre, mais bon. Pour vous rassurer, Samy fait souvent des mauvais pronostics. Ah ouais, il y a ça aussi. C'est pour vous rassurer. J'avoue. Bon, dites-nous quel a été le meilleur joueur, le pire aussi. Voilà, comme ça, on est objectif. Vous laissez vos messages, on vous attend en direct jusqu'à minuit. Radio Libre. Donc sur Skyrock, vous profitez de cette soirée. On attend vos messages aussi pour l'Algérie au pronostic. Ouais. Alors Algérie, Allemagne, pronostic. Hashtag Skyrock VS Foot. Vous nous envoyez ça sur Twitter, sur le 41759, le skyrock.fm. Et puis au 01 53 40 30 20, vous nous appelez pour tout ce que vous voulez. Le foot et tout le reste, merci pour tous les messages. On salue Nicoco qui nous dit c'est Pogba le meilleur. C'est la France qui a gagné, atterri Charlie. Ouais, ça, Charlie, ouais, on a gagné 2-0 contre le Nigeria tout à l'heure. Yes. Les Bleus, on est au top, trop fiers. On est tous avec eux, nous dit Camille. Qui est on est content. Cédric qui arrive, tu sais combien il y a eu, Cédric? Il y a eu 2-0. Bien. Ouais, le bel. Il y a un but contre leur camp. C'est ça. Ouais, bien, mais presque un but de Griezmann, en fait. Ouais. Ouais. Si Griezmann n'avait pas été aidé, là, ouais. Il n'aurait pas eu but. Il a bien clair. Aidé. Ouais, ouais, c'est clair. Bon, ben ça fait plaisir. On est les champions. On est les champions. On est bien parti pour eux. Il reste quelques matchs. Ouais, il reste quand même quelques matchs. Faut y aller calme quand même. Bon allez, on y revient tout de suite. Vos meilleurs joueurs, vous nous les laissez. Puis on y revient dans un instant. Tous vos messages, ils débarquent ici. Je vous ai tout dit, ou presque. Sauf qu'on va démarrer avec une chanson qui fait la teuf là. Allez, on va se mettre, devine, déconnecté. On est là jusqu'à minuit sur Skyrock et Fred, demain le retour. Oui, le retour avec la team BS et demain ce sera une soirée avec Sultan. Ouais. Ah ben, on en profitera demain, juste avant 20h, ça démarre jusqu'à la radio libre. Et ben c'est parti. Ciao, ciao à toutes. Ciao. Ciao. Toute l'année.